franceinter.fr. Aujourd'hui, pour le 200e numéro d'Affaires Sensibles, et au moment où sort Star Wars sur les écrans avec l'hégémonisme que l'on sait, eh bien nous allons parler d'un autre film qui aura marqué lui aussi l'histoire du cinéma, Apocalypse Now et son tournage au cœur des ténèbres. Art total, le cinéma nécessite une somme de talents et de techniques, de l'image au son, en passant par le montage et les acteurs, un ensemble managé par le réalisateur, capitaine d'un navire parti de quelques idées, qu'il doit emmener jusqu'à la projection de l'œuvre sur l'écran. Ici, le maître s'appelle Francis Ford Coppola. En 1975, il se lance dans un projet qui l'occupera plus de 4 ans, Apocalypse Now. Ce film, qui a pour toile de fond la guerre du Vietnam, est une odyssée métaphysique et enterre les ambitions d'une génération et sonde les ressorts de la folie humaine. Chaque étape de sa création est une épreuve. Scénario sans cesse réécrit, casting laborieux, tournage démentiel et montage de plus de 2 ans. La genèse de ce film est à la mesure de la place qu'il tient dans l'histoire du cinéma. Un art qui, sans doute plus que n'importe quel autre, produit ses propres légendes, ses mythes, ses icônes, ses marqueurs parfois. Au cœur de cette usine à rêves, Hollywood tient une place toute particulière, bien sûr. Jeune nation, les États-Unis ont rapidement saisi les possibilités qu'offrait le cinéma pour bâtir, commenter, construire leur histoire. De ce point de vue, la guerre du Vietnam a engendré un nombre incroyable de productions participant au regard critique sur l'implication des États-Unis dans ce conflit. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Laurent Delmas, critique et spécialiste de cinéma, producteur de l'émission On aura tout vu sur France Inter. Par ailleurs, au cours de ce récit, vous entendrez les extraits du film Apocalypse Now, mais aussi du documentaire intitulé Au cœur des ténèbres, l'apocalypse d'un metteur en scène réalisé par Ilnor Coppola, produit par Zoetrope. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. On voyait particulièrement sur la carte un fleuve, un grand fleuve puissant qui ressemblait à un immense serpent déroulé. La tête dans la mer, le corps au repos, infléchi sur de vastes distances, la queue perdue au fond du pays. Et comme je regardais cette carte dans une vitrine, cela me fascinait comme un serpent fascine un oiseau. Un petit oiseau, naïf. Le serpent m'avait ensorcelé. Ces quelques lignes, extraites d'Au cœur des ténèbres, le roman de Joseph Conrad publié en 1899, ont longtemps hanté le monde du cinéma. Cet incroyable récit raconte l'histoire de Charles Marlowe, un jeune officier de la marine marchande britannique qui remonte le fleuve Congo pour renouer le contact avec Kurtz, un collecteur d'ivoire à la personnalité trouble. L'œuvre de Conrad a la réputation d'être maudite. Plusieurs fois envisagée, son adaptation au cinéma n'a jamais abouti. Même Orson Welles s'y est cassé les dents. Comme une énième tentative, cette œuvre inspire, au milieu des années 60, un scénario intitulé « The Psychedelic Soldier ». Écrit par le jeune scénariste John Milius, il a pour thème la guerre du Vietnam. À cette époque, les États-Unis s'enlisent dans ce conflit et les mouvements de contestation s'intensifient. C'est le moment aussi où les premiers GIs racontent l'enfer vietnamien. Le scénario se retrouve dans les bureaux d'une jeune société de production fondée le 14 novembre 1969 à San Francisco par une bande de réalisateurs en herbe tout juste sortis de l'école de cinéma de Los Angeles, l'American Zoetrope Company. Elle est dirigée par Francis Ford Coppola et George Lucas. Coppola, né 30 ans plus tôt à Détroit, est un pionnier. Il est le premier élève de l'école de cinéma de Los Angeles à réaliser un film pour les studios hollywoodiens. Passionné par le néo-réalisme italien et la nouvelle vague française, il veut sortir des carcans imposés par les studios, caméra au point. Au début des années 70, la Paramount vient le chercher un peu par hasard pour adapter un mauvais best-seller italien. Le réalisateur hésite, bon, finit par accepter et grâce à pas mal de roublardises, il impose ses vues. C'est le parrain, figurez-vous, oui, et c'est un succès planétaire. Il enchaîne avec Conversation secrète, qui remporte la Palme d'Or à Cannes en 1974. Millionnaire, Coppola est le nouveau roi du cinéma américain, chef de file d'une génération, qu'on appellera bientôt le nouvel Hollywood, Lucas, Scorsese, Friedkin, Palma, Spielberg. Pour Coppola, l'argent n'est qu'un moyen, celui de la liberté. Il cherche un nouveau projet et se souvient du film imaginé par George Lucas et John Milius, The Psychedelic Soldier, qu'il devait produire. Laissé en suspens depuis quelques années, il décide de le reprendre en main. Pour le réaliser, George Lucas n'est plus disponible. Il s'est lancé sur un autre projet, Star Wars. Mais oui, Coppola décide donc de le faire lui-même. Avec John Milius, il retravaille le scénario et en 1975, la 10e version est la bonne. Un manuscrit de 1000 pages dont le titre a changé. Inspiré par un badge des militants pacifistes, Nirvana Now, le film s'appellera désormais Apocalypse Now. Au début de l'année 75, Francis Coppola pose les premières pierres d'Apocalypse Now. Il réunit son équipe habituelle. Seule innovation, le choix de Vittorio Storaro comme directeur de la photographie. Le réalisateur américain a été impressionné par le travail de l'Italien sur le dernier tango à Paris de Bertolucci. Pour le financement, c'est plus compliqué, comme souvent. La Paramount et Warner Bros. Se montrent frileux à l'idée de produire un film sur la guerre du Vietnam. Les troupes américaines se sont retirées 2 ans auparavant seulement. Les États-Unis viennent de subir leur première défaite militaire. Le traumatisme est profond. Coppola se rapproche d'United Artists et au terme d'un montage financier compliqué, l'accord est trouvé. Le budget est établi aux alentours de 16 millions de dollars, une somme énorme pour l'époque. Tout dépassement incombera au réalisateur. Coppola vient de sceller un pacte avec le diable. C'est qu'il voit les choses en grand, Coppola. Il va faire un film d'aventure, une fresque grandiloquente à grand renfort d'effets spéciaux et de musique pour saisir les désirs de son époque. Sexe, drogue et rock'n'roll. Le tout en décor naturel. Après avoir pensé un temps à l'Australie, l'équipe se tourne vers les Philippines. Les paysages ressemblent beaucoup à ceux du Vietnam. Puis le réalisateur négocie avec le président Ferdinand Marcos et le soutien du régime autoritaire facilite certains aspects logistiques. Au début de l'année 76, l'équipe s'envole pour l'archipel. Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle. When I was here, I wanted to be there. When I was there, all I could think of was getting back into the jungle. I'm here a week now, waiting for a mission. Apocalypse Now raconte l'histoire du capitaine Willard, à qui ses supérieurs confient une mission secrète. Il doit remonter un fleuve jusqu'au Cambodge, accompagné de quelques hommes, pour retrouver et tuer le colonel Kurz. Car ce dernier, membre des forces spéciales, est devenu fou. Avec quelques mercenaires et des tribus locales, il mène sa propre guerre, aux méthodes terrifiantes. Le voyage de Willard traverse la guerre du Vietnam. Chaque halte illustre un pan du conflit. Par touche, Coppola dépeint le tableau d'une guerre absurde. La remontée du fleuve devient la métaphore d'une douloureuse plongée vers la folie inexorablement tendue vers les ténèbres du colonel Kurz. Dès le départ, le projet de Coppola est tiraillé entre deux pôles. La réflexion métaphysique de l'œuvre de Conrad et le spectacle glaçant de la guerre du Vietnam. Pour le casting, il réussit à convaincre Marlon Brando pour le rôle de Kurz. Le duo du parrain est à nouveau réuni. Le choix de l'acteur pour interpréter Willard est plus délicat. Coppola pense d'abord à Steve McQueen. Après avoir longuement hésité, ce dernier refuse. Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson ou encore Robert Redford, tous déclinent l'offre. Engagés sur d'autres films ou tout simplement réticents à l'idée de tourner plusieurs mois à l'autre bout du monde dans des conditions difficiles. C'est Harvey Keitel, finalement, qui est choisi. Coppola inaugure le tournage d'Apocalypse Now le 20 mars 1976. Les décors sont installés, les premières prises réalisées. Après 3 semaines de tournage, il regarde les premiers rushs. Et là, le doute l'envahit. Non, ça ne fonctionne pas. Harvey Keitel ne convient pas. Alors, sans hésiter, il décide de se séparer de son acteur principal. Quelques années après, il expliquera son choix. Pour tout vous dire, je peux vous dire que cet acteur était excellent. Il savait interpréter les personnages, il savait adapter une certaine personnalité, intéressante, mais le rôle du personnage dans le film était celui d'un homme qui était le témoin d'une toute une vision extraordinaire. Je voulais un acteur que vous pouviez regarder, que vous pouviez accompagner, mais sans que cela vous empêche de pénétrer à l'intérieur du film. Cette décision radicale traduit la détermination de Coppola. Il vient de mettre 3 semaines de tournage à la poubelle et il doit surtout trouver un nouvel acteur principal. Alors il revient à l'une de ses premières idées pour le rôle de Willard, Martin Sheen. L'acteur, révélé quelques années auparavant dans La Balade sauvage de Terrence Malick, premier film du réalisateur indépendant américain, adore le scénario. Le 26 avril, 10 jours après le départ d'Harvey Keitel, Martin Sheen arrive sur le plateau. Il découvre immédiatement l'aventure dans laquelle il vient de s'engager. L'équipe est occupée à mettre en place l'une des scènes les plus importantes du film, l'attaque d'un village vietnamien par les hélicoptères du colonel Kilgore, interprété par Robert Duvall, sur fond de chevauchée de Walkyrie de Richard Wagner. La scène est à la mesure du film tout entier, hors norme. Ces 15 hélicoptères qui fendent le ciel, les explosions napalm, les bombes qui éclatent et les rafales des soldats américains, toute la machinerie de la guerre moderne en une séquence. Sa réalisation nécessite un travail d'orfèvre. La coordination entre les centaines de figurants, les différents opérateurs et les machinistes doit être parfaite. Alors Coppola est au four et au moulin. Pour les hélicoptères, l'armée américaine lui a refusé toute aide financière ou matérielle. Elle juge le script trop critique envers l'institution. Coppola se tourne donc vers l'armée philippine. Problème, les hélicoptères du président Marcos sont sans cesse réquisitionnés pour lutter contre une rébellion communiste qui a éclaté à l'autre bout de l'île. Et là, c'est pas du cinéma. La situation devient ubuesque. Chaque jour, on doit peindre les hélicoptères, puis enlever la peinture quand ils sont réquisitionnés, puis les repeindre. Alors, le retard s'accumule, mais Coppola s'accroche. Au fil des prises, il affirme ce style baroque, irréel, qui doit traduire la folie de l'armée américaine. Tout est outrance. Le personnage de Robert Duvall incarne parfaitement ce délire. Il porte un chapeau de cow-boy et décide l'attaque du village, juste pour faire du surf. La démesure des hommes reflète le déluge de feu et de sang, comme cette réplique devenue mythique du colonel Kilgore concernant l'odeur du napalm au matin. I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours when it was all over. I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. Smell, you know that gasoline smell. All hell. Smells like victory. Malgré les nombreuses difficultés propres à une superproduction à l'autre bout du monde, Francis Coppola et son équipe parviennent à tourner. Mais l'ambiance est tendue, tout le monde est à cran. Mais le film avance. Sauf que, le 19 mai 1976, un événement change la donne. Le typhon Olga s'abat sur l'archipel philippin, des pluies diluviennes tombent sans interruption, des vents d'une violence inouïe détruisent tout sur leur passage. La plupart des décors de Dean Tabularis, notamment celui du temple de Kurtz pour la fin du film, sont détruits. Les différents lieux de tournage ne sont plus que boue, les acteurs et les techniciens s'enfoncent. Autrement dit, l'apocalypse c'est maintenant. Coppola décide pourtant de continuer car les contraintes naturelles doivent faire partie de la réalisation. C'est ça aussi le Vietnam et c'est ça aussi le cinéma. Mais il doit se rendre à l'évidence. Sa femme et ses enfants qui l'accompagnent depuis le début sont à bout de force. Lui-même a perdu plusieurs kilos. Le 8 juin 1976, la production d'Apocalypse Now est interrompue pour 6 semaines. L'annonce fait la une des médias américains. Un mélodrame se joue actuellement à Hollywood, qui n'a rien à envier à ce qu'on trouve au cinéma. Le premier rôle y est tenu par Francis Coppola, qui une fois de plus lutte pour garantir l'assise financière de son rêve. La presse américaine commence son travail de sape. Elle s'est fait une joie de décrire les déboires du jeune nabab d'Hollywood emporté par la folie des grandeurs. Le film a déjà 1 mois et demi de retard et le budget est dépassé de plus de 2 millions de dollars. Le projet Apocalypse Now s'enlise. À l'image de son personnage, le colonel Kurtz, Coppola va lui aussi perdre pied et s'enfoncer dans la folie. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Of some stranger's hand in a desperate land. First of all, I call this. Je devrais intituler ce film L'Idiodyssée. C'est une idiodyssée. Aucun de mes stratagèmes, aucune de mes habitudes, aucune de mes astuces ne fonctionne pour cette fin. J'ai tout essayé, c'est infaisable. Je m'avoue vaincu, mais je ne peux pas écrire la fin de ce film. Après plusieurs semaines d'interruption, le tournage reprend aux Philippines au début du mois de juillet 1976. Dans l'intervalle, Coppola regarde la centaine d'heures de Rush. La panique, le doute, le stress s'installent. Il ne sait plus dans quelle direction aller. Alors, il alterne des périodes de surexcitation et de profond désespoir. Il commence une aventure avec une femme, fume de la marijuana et formule des demandes surréalistes. Il frise la mégalomanie, il la touche même. Sa femme, présente tout au long du tournage, ne reconnaît plus son mari. En plein délire, il se confie à elle. Il est en train de réaliser son plus mauvais film. Il est au bord de la faillite financière. Tous leurs biens sont hypothéqués. Comme souvent, si le capitaine perd pied, c'est tout le navire qui prend l'eau. L'ambiance sur le plateau de tournage est psychédélique. La plupart des acteurs se droguent, l'alcool coule à flot. Des centaines de techniciens et figurants se défoncent ou tombent malades. Curieusement, de ce marasme émergent des moments particuliers. C'est notamment le cas du personnage de Dennis Hooper. Il joue le rôle d'un photographe américain qui rejoint le colonel Kurtz et qui lui voue, comme les autres, une admiration totale. Sorte de bouffon du roi. L'interprétation de Dennis Hooper sous l'emprise des drogues tout au long du tournage donne une certaine teneur à ce personnage. Comme lors de cette scène avec le capitaine Willard. Non, non. I'm not gonna help you. You're gonna help him, man. You're gonna help him. I mean, what are they gonna say, man, when he's gone, huh? Because he dies, when it dies, man. When it dies, he dies. What are they gonna say about him? What are they gonna say? He was a kind man? He was a wise man? He had plans? He had wisdom? Bullshit, man! Fin août 1976, le décor du temple a été reconstruit. La production a maintenant 3 mois de retard sur le planning initial. Coppola doit s'attaquer à la fin du film avant même d'avoir tourné toutes les séquences précédentes. Il est contraint par l'agenda de Marlon Brando, disponible 3 semaines, pas une de plus, $1 million chacune, et qui rechigne à décaler. Il débarque à Manille le 31 août. Et là, Coppola tombe des nues. Marlon Brando est obèse, à défaut d'être énorme. Il pèse 120 kilos. Il doit pourtant jouer un officier des forces spéciales, surentraîné dans un costume de militaire. Et ce n'est pas tout. Le réalisateur se rend compte que Brando n'a pas lu Au cœur des ténèbres et qu'il ne connaît pas son texte. Lamentable. Mais Coppola n'a pas le choix, il faut avancer. Brando lui propose de se raser la tête. Coppola l'habille simplement avec une ample chemise noire. Les deux hommes s'enferment une semaine durant pour discuter du rôle. Le personnage du colonel Kurtz se transforme, s'affine. Il devient une sorte de guerrier païen et mystique, intemporel. Pour contourner le problème du poids de Marlon Brando, Coppola et Storaro, le directeur de la photo, le filment en gros plan et en clair-obscur. Dans un jeu d'ombre, le spectateur découvre petit à petit le visage du colonel Kurtz. De son côté, Brando improvise son texte. Les caméras tournent sans interruption et enregistrent les réflexions métaphysiques qu'adresse cette voix caverneuse de Marlon Brando Kurtz à Martin Sheen Willard. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies. Après le départ de Brando, on remonte dans le temps et on tourne des scènes intermédiaires. Enfin, l'équipe rentre aux États-Unis au début de l'hiver 1976. Le 5 janvier 1977, Coppola regarde un montage brut de 5 heures. Il n'est pas encore satisfait. Il manque des scènes essentielles pour que son édifice tienne. Fred Roos et Gray Frederickson, les directeurs de la production, prennent leurs calculettes. Le budget final est évalué à $32 millions, le double du budget prévisionnel. Coppola est au bord du gouffre, mais il n'a pas le choix, une fois de plus. C'est lui la garantie du film désormais. United Artists, le studio, souscrit une assurance vie pour Coppola à hauteur de $15 millions. Et tout le monde repart aux Philippines. Mais le 1er mars 1977, alors qu'il fait son jogging quotidien, Martin Sheen ressent une forte douleur à la poitrine. Le souffle coupé, il fait une attaque cardiaque. Les secours mettent du temps à arriver, la situation empire, Martin Sheen perd connaissance. Transféré de toute urgence à l'hôpital de Manille, l'acteur est sauvé in extremis. L'information commence à circuler, ce qui rend Coppola fou de rage. Ils sont allés dire à Barry Hirsch que Marty a fait une attaque. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Tout Hollywood va être au courant. Si c'est vraiment grave, au point d'obliger Marty à rentrer, il rentrera et on fera avec. Sauf que d'après le Toubi, Marty est encore jeune. Il sera sans doute remis d'ici 3 semaines. J'ai demandé s'il pouvait quand même tourner des gros plans. Il a répondu sans doute. Ça me suffit. Tout le reste, c'est des commérages. Merde, vous allez m'achever. Si United Artists apprend que c'est 8 semaines d'arrêt, ils m'obligeront à faire avec ce que j'ai déjà tourné et le film n'est pas fini, tu comprends? Si Marty meurt, personne ne fait rien avant que j'ai dit... Marty est mort. Sinon, je fous tout le monde dehors. C'est bien compris? Là, j'ai vraiment les jetons. C'est la première fois. On aura tout vu. Ou il ne manquait plus que ça. Pour le coup, Apocalypse Now ne tient plus qu'à un fil, celui du rétablissement de Martin Sheen. L'acteur supplie Coppola de continuer. Il sera vite sur pied. Pendant son absence, on recrute en toute urgence Joseph Sheen, le frère de Martin, pour le remplacer dans les scènes où on n'a pas besoin de voir son visage. Finalement, l'acteur revient sur le plateau le 19 avril. On tourne les dernières séquences. Puis, tout le monde rentre aux États-Unis. Le 21 mai 1977, c'est le dernier jour de tournage. Il devait durer 4 mois, il en a duré 7. La vraie vedette du festival, celle que traquent tous les photographes, Francis Coppola, le metteur en scène d'Apocalypse Now. Apocalypse Now, le film que tout le monde attendait depuis 3 ans, le film mystère, le film gigantesque, présenté en première mondiale au Festival de Cannes. Ce film montre un cas extrême dans lequel un homme va franchir la limite des contraintes humaines. Il va trop loin et est détruit. Ce film est un voyage. Je vous emmène avec moi dans un film que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Mais plus vous avancez, plus il vous devient étranger. Jusqu'à ce que vous arriviez dans un endroit totalement nouveau. Mais faites le voyage quand même. Pour moi, la seule façon de montrer ce film, c'était comme je l'avais tourné. J'ai commencé un film familier qui m'est devenu étranger. J'emmène le public dans le même voyage que le mien. Le 27 mai 1979, Cannes, le plus grand festival de cinéma au monde. Nous sommes 2 ans, quasiment jour pour jour, après le dernier coup de manivelle. 2 ans. C'est le temps qu'il aura fallu à Coppola et son équipe pour monter la première version du film Apocalypse Now. En 1977, sous la houlette de Walter Murch, les monteurs s'attellent à la tâche. Elle se révèle immense. Environ 300 km de pays. Pellicule, rendez-vous compte. Une pellicule qui irait de Paris jusqu'à Dijon. 250 heures de projection, bout à bout. Laborieusement, le film prend forme, mais il manque quelque chose. Un fil pour relier cette mosaïque disparate. Cette même année, 1977, aux États-Unis, un livre connaît un succès remarquable. Dispatches, Michael Hare. Grand reporter pour le magazine Esquire, il a couvert la guerre du Vietnam et en livre un témoignage puissant. Coppola dévore l'ouvrage et l'idée jaillit. Pourquoi ne pas confier à R l'écriture d'une voix off ? Le journaliste accepte et écrit ce commentaire qui nous plonge directement dans les pensées du personnage principal, le capitaine Willard. Le film tient sa ligne conductrice. Dernière pièce à l'édifice, le travail sur le son. La totalité de l'ambiance sonore, des dialogues, des bruitages est réalisée en post-production. La musique se greffe sur l'ensemble, les Doors, Led Zeppelin, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, toute la bande-son d'une époque et d'une génération trouve sa place dans l'épopée coppolienne, peut-être l'élément le plus harmonieux du film. La date de sortie est sans cesse repoussée. Il a été d'artiste, perd patience. En 1979, après 2 ans de travail, Gilles Jacob, numéro 2 du Festival de Cannes, convainc Coppola de présenter son film. Le réalisateur accepte, mais il prévient. Il n'a qu'une copie de travail, son film n'est qu'un « work in progress ». D'ailleurs, le jour de la projection, il fait distribuer un document à tous les spectateurs. Les spectateurs vont enfin découvrir le film dont on a tant parlé avant de le voir. Il faut dire que la presse n'a pas arrêté pendant 2 ans de relayer les rumeurs du tournage, les sommes d'argent gigantesques, la folie du réalisateur. Verdict. Le noir emplit la salle. Les premières notes de The End of the Wars illustrent une succession d'images en surimpression, la jungle qui prend feu, le visage de Martin Sheen renversé, les hélicoptères, une statue de Bouddha. La scène d'introduction est un résumé du voyage auquel convie Coppola. Une lente remontée dans le temps vers le mystique et le sacré où la folie de la guerre remplit petit à petit le cœur des hommes. Les lumières se rallument, des tonnerres d'applaudissements surgissent, mais le cri de joie insulte et sifflet. Les réactions du public sont, disons, divisées. On parle déjà du choc d'Apocalypse Now, de chef-d'œuvre. D'autres dénoncent la guerre spectacle, le final raté. Le jury lui-même est partagé. Françoise Sagan, la présidente, n'aime pas le film et n'hésite pas à le faire savoir. Finalement, le 24 mai 1979, Robert Favre, Lebret, le président du festival, accompagné de Françoise Sagan, annonce le résultat. Apocalypse Now. C'est la première fois que deux films se partagent la palme. Après Conversation secrète en 1974, c'est aussi la première fois qu'un réalisateur remporte deux Palmes d'Or. Le film sort en salle en septembre 1979. Distribué dans le monde entier, il rencontre un succès international et il est finalement rentabilisé en 1982. Entre la version canoise et celle diffusée en salle, Coppola change la fin du film. Cette version fait 2h30. Il a volontairement supprimé de nombreuses scènes pour fédérer le public. En 2001, il sortira Apocalypse Now Redux, une version rallongée de presque une heure qui redonne toute son ampleur au film. Des scènes cruciales y sont réintégrées, notamment celle de la plantation française, qui accentue la dimension critique de la guerre du Vietnam. Avec Apocalypse Now, Francis Ford Coppola aura sans doute réussi l'œuvre la plus forte des ambitions du nouvel Hollywood. Cette rencontre incroyable entre le spectacle et la métaphore, le grand show américain, le film d'aventure et les réflexions, les exigences propres au film d'auteur en font un film mythique. Coppola sera d'ailleurs le seul à continuer dans cette voie. Pendant que ses compagnons de route ont poursuivi leur carrière dans les studios hollywoodiens, lui s'est tourné vers des films plus simples, plus intimes. Sans doute a-t-il entendu Godard qui un jour déclarait « La télévision fabrique de l'oubli, le cinéma des souvenirs ». Affaires sensibles, Fabrice Drouel. toute la magie des années 70 à travers le son de la guitare et bien sûr les images, et notamment celle du film Apocalypse Now, dont nous allons parler maintenant avec vous. Laurent Delmas, bonjour. Bonjour Fabrice. Critique et spécialiste de cinéma, producteur de l'émission On aura tout vu sur France Inter, donc faites comme chez vous, cher Laurent Delmas. C'est gentil, bon. Merci. Alors, quand avez-vous vu Apocalypse Now? Dès sa sortie en 79 ou un peu plus tard? J'étais presque un peu trop jeune, mais non, je l'ai vu assez vite. Je l'ai vu, je pense, pas l'année de sa sortie, mais l'année suivante. Ouais. Enfin voilà, parce que faut se rappeler quand même que ça a été effectivement, vous le disiez très bien, un énorme événement. Une co-palme d'or, on va dire, mais franchement, et en plus un événement, on dirait maintenant teasé, c'est-à-dire qu'effectivement on en a entendu parler, ça se faisait plus, ça s'arrêtait, comme vous avez très bien raconté. Enfin, c'est un film de maintenant de ce point de vue-là, c'est-à-dire c'est un film où on a l'impression que les réseaux sociaux ont préexisté et en ont parlé pendant comme ça des mois et des années, et ça finissait par être une sorte de légende noire. C'est-à-dire que, mais tout le film est comme ça, c'est-à-dire que c'est de l'apocalypse now permanente, et l'apocalypse, on l'attend aussi d'une certaine façon. Voilà. Alors, quelle a été votre réaction quand vous avez vu le film? Tout simplement, réaction de spectateur avant d'être un critique de cinéma. Hein. Oui, à l'époque, je ne l'étais pas. J'étais un spectateur comme un autre. Moi, j'ai été happé, c'est-à-dire que c'est un sentiment très, très impressionnant, même d'être à ce point-là happé par un film. Vous savez qu'on est pris, la lumière cesse dans la salle, et tout d'un coup, on est plongé au cœur des ténèbres, c'est pas un jeu de mots, c'est vrai, avec cette chose très très cinématographique qui existe depuis les premiers temps du cinéma, depuis Nosferatu de Murnau, où il y a une phrase extraordinaire, où on voit le héros rentrer dans un château, et la phrase du petit carton, c'est « Passer le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre ». Eh bien, bien des années plus tard, Coppola nous refait le coup, c'est-à-dire, c'est l'histoire effectivement de quelqu'un, et les fantômes, tous les fantômes, et pas les fantômes très plaisants, viennent à sa rencontre, mais viennent aussi à notre rencontre, à nous, de spectateurs. Alors, moi je n'aime pas ce film, mais... C'est votre droit. Mais, absolument, mais en parlant, figurez-vous que quelques petites lumières se sont allumées, m'ont donné envie de revoir le film, parce qu'il y a le film, et puis il y a aussi toute l'histoire du tournage, et ça me rappelle un peu Aguirre, La colère de Dieu. C'est vrai. C'est-à-dire que, quand on voit le film, on pourrait s'imaginer que le tournage a été à la hauteur du film, complètement fou, frénétique, et c'est peut-être une vraie qualité de ce film. Mais oui, c'est-à-dire que enfin, il est fait par Dieu, ce film. Vous avez entendu tout à l'heure Francis Dieu Coppola. C'est-à-dire, ouais, c'est quelqu'un qui dit, ouais, comment un acteur a un malaise sur mon film et on commence à en parler. Non, c'est moi-même qui signerai éventuellement l'acte de décès. Mais personne d'autre. Moi, je ne sais pas qui a droit de vie et de mort sur ces créatures, si ce n'est Dieu. Bon, ben, Coppola se prend pour Dieu, très clairement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a pu aller jusqu'au bout de ce projet. C'est-à-dire que si à un moment ou un autre, il avait douté de son statut divin, il aurait arrêté le tournage. Mais comme il est persuadé qu'il est Dieu, il a continué jusqu'au bout à recréer un monde, effectivement. Et c'est pour ça que, quoi qu'on pense, vous le disiez, quoi qu'on pense du film, moi je peux comprendre qu'on n'aime pas sa démesure, qu'on soit trop étouffé dans cette jungle. Par la métaphore aussi. Par la métaphore aussi, peut-être, mais en même temps, ce qui est très très singulier, c'est qu'au fond, Coppola, jusqu'au bout, ne choisit pas. C'est-à-dire que la fin, peut-être qu'on va pas en parler ici, il y a des tas de gens, heureusement pour eux, qui n'ont pas encore vu Apocalypse Now, donc on va pas spoiler, comme on dit de nos jours, mais la fin est complètement ouverte. C'est-à-dire que c'est un conte métaphysique, mais qui, contrairement au conte habituel, n'a pas une fin fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours qui nous dit voilà ce qui va se passer pour, on va dire, l'un des personnages principaux. Voilà où il va aller. On ne le sait pas. Et ça, c'est aussi très très mystérieux, et jusqu'au bout, cette fin-là permet au fond que le film continue dans nos têtes. Alors, on va écouter une archive ensemble. On va entendre l'avis de Bertrand Tavernier, sans doute le plus américain dans les goûts, hein, des réalisateurs français, interviewé au moment de la sortie d'Apocalypse en France. Et il dit ce qu'il aime chez Coppola, précisément. C'est un film qui vous rend très jaloux. Hein. C'est vrai, quand on sort de là, j'ai reçu un grand coup, un grand choc. Et ce que je trouve formidable dans ce film, comme d'ailleurs dans d'autres films de Coppola, comme dans Le Parrain 2, comme dans La Conversation, comme dans Rain People, c'est qu'on est souvent ému, bouleversé ou touché par des scènes qui sont généralement coupées dans les autres films. C'est-à-dire que je trouve que dans les films de Coppola, il y a ces moments d'attente, de découverte, où on va à l'intérieur des personnages, où on a l'impression de vivre avec eux ce qu'ils sont en train de vivre et de ressentir, qui donne au film une espèce d'épaisseur romanesque. Mmh. Et je trouve que là, justement dans les moments du fleuve, c'est la plus belle adaptation de Conrad que j'ai vue. Mmh. Et je trouve qu'Apocalypse est le plus bel opéra inspiré par Joseph Conrad. Et pour le moment, à ma connaissance, le seul opéra inspiré par Joseph Conrad. Vous êtes globalement d'accord avec ce peut qu'être voilà. D'accord avec Bertrand Tavernier. Non, il a d'autant plus raison sur cette idée que c'est ce qui manque chez les autres qui ici impressionne. C'est la raison pour laquelle la version de 2000 est la seule version visible du film, précisément parce que Coppola y a ajouté, enfin remis des choses qu'il avait enlevées, et à tort, d'après cette doctrine Tavernier, mmh. avec laquelle je suis bien d'accord, et par exemple cette longue séquence de la plantation française, qui effectivement est une référence à d'autres guerres coloniales perdues par d'autres nations occidentales, en l'occurrence la France, et où il y a une sorte de mélancolie, de nostalgie poisseuse, de déclin de l'empire occidental qui est donné par Coppola avec, en prenant son temps, et c'est ce que dit Tavernier, c'est là où effectivement Coppola est extrêmement fort, c'est-à-dire à donner du temps au temps et à faire en sorte que le cinéma, même s'il s'adresse au plus grand nombre, a une exigence par rapport à ça extrêmement forte. Mais des deux versions, vous... C'est la deuxième qu'il faut voir impérativement. Oui, d'accord. Et qui existe maintenant des rangs DVD, qui est celle estampillée par Coppola. C'est celle-là qu'il faut voir. Parce que, une fois de plus, ce que dit Tavernier est encore plus... Enfin, c'est vrai pour la première et la seule et la bonne version, celle qu'on a en ce moment maintenant en Blu-ray, DVD. Mm-hmm. C'est celle-là qu'il faut voir. Parce que c'est effectivement celle-là où Coppola va au plus profond des ténèbres et de sa particularité, qui est de faire un film qui est un blockbuster, qui a les apparences du blockbuster, mais qui est un formidable poème métaphysique. Alors parlons de la couleur, si vous voulez bien, sous la baguette de Vittorio Storaro, passage clair-obscur, jeu sur les ombres, quel est votre regard sur... La palette couleur. Mais c'est un film au napalm. D'éclairage. C'est un film au napalm. C'est-à-dire. Au napalm d'or. Bravo, non, je l'aurais pas fait. Bravo, merci, c'est gentil de vous dévouer. Mais, c'est un film au napalm. C'est-à-dire, c'est un film, effectivement, où on a des sortes d'éclairs lumineux incroyables, et puis du charbon, du noir, du très très noir. Mm-hmm. Et c'est comme si la pellicule avait été trempée en permanence dans un bain de napalm pour faire en sorte que ce qui est dit résonne avec ce qui est vu, et qu'on ait le sentiment en permanence d'être au cœur des ténèbres, comme l'indiquait le titre du roman de Conrad, avec des clairs-obscurs que la peinture peut-être hollandaise ne renierait pas, avec des choses qui sont mais vraiment d'une qualité, d'une profondeur, d'une sensibilité qui est tout à fait étonnante. Tavernier le disait, c'est un opéra c'est du son et c'est du visuel, et c'est un opéra baroque et un opéra noir jusqu'au bout. Alors le napalm, cette arme horrible, eh bien, on la voit dans quasiment tous les films consacrés à la guerre du Vietnam. Alors je le disais tout à l'heure, à quel point le cinéma a été une sorte d'exutoire pour les Américains, pour cette guerre absurde, épouvantable, comme toutes les guerres d'ailleurs. Mais bon, comment placeriez-vous Apocalypse Now dans cette suite de films américains consacrés à la guerre du Vietnam? Alors, d'abord, 400 films américains. 400 films sur et autour de la guerre du Vietnam. Oui, mais 400, c'est énorme. Contrairement à ce qu'on a dit, pas tout de suite. C'est-à-dire, on a beaucoup dit, les Américains sont formidables par rapport aux Français et la guerre d'Algérie notamment. Ils ont tout de suite tourné sur la guerre du Vietnam, c'est pas vrai. Il y a eu un film de John Wayne pendant la guerre, qui est Les Bérets Verts, qui est un film plutôt fascisant, donc du côté du Manche, mais il a fallu attendre un peu plus tard quand même la fin de la guerre pour que réellement les Américains prennent le conflit à bras-le-corps. Alors, pour moi, le film de Coppola, il est vraiment à part. C'est-à-dire que, contrairement à Voyage au bout de l'enfer, ou Platoon, Full Metal Jacket, etc., qui se coltinent, eux, réellement. Oui, vraiment, bon, c'est vrai, la réalité du conflit, là, il y a l'origine de Conrad, en quelque sorte, qui joue pour le film de Coppola et qui fait que la métaphysique, les interrogations sont extrêmement profondes. Et en même temps, ça va plus loin parce que c'est un extraordinaire film sur l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a notamment, par exemple, la dimension de western, qui est clairement assumée par Coppola. Il faut savoir que les États-Unis n'ont pas d'histoire, le récit national, c'est une nation jeune, c'est une nation trop jeune pour avoir un récit national qui passe ailleurs que par le cinéma. C'est ça qui est étonnant avec le cinéma américain, c'est que c'est le récit national américain. Et Coppola le sait très bien. Et il apporte sa pierre en montrant, par exemple, des playmates en costume de cow-boy. C'est une image complètement délirante. Vraie, en plus. Hein, c'était la playmate de l'année qui est dans le film de Coppola. Donc, c'est vrai. Et avec, comme ça, toute une série de références au western. La rivière sans retour. Les Indiens, c'est d'autres peuplades, mais c'est les Indiens, c'est l'étranger, c'est l'autre, c'est celui qu'on va envahir, on est sur son territoire, la conquête de l'Ouest, tout ça y est aussi dans le film de Coppola. Ça lui donne vraiment une ampleur incroyable que les autres films, à mon sens en tous les cas, n'ont pas forcément. Est-ce que c'est dû aussi aux acteurs? Parce qu'il y a un casting impressionnant. Il y a un casting d'autant plus... On a des acteurs un peu fous comme ça, un peu comme Klaus Kinski quelque part, Brando Kinski. Il y a un cousinage quand même, dans le comportement. Le parallèle est évident. Le parallèle est évident et c'est en plus quand même assez dramatique. C'est-à-dire que c'est le dernier film réellement de Brando. Il tournera après, mais rien, quasiment rien. Mm-hmm. Et pareil pour Martin Sheen. Il tournera, mais il tournera rien. Des séries B inintéressantes. C'est-à-dire c'est un film qui va brûler aussi ses interprètes. Qui va, pardonnez-moi l'expression, les cramer. C'est-à-dire, c'est leur dernier film, comme si dans le brasier de l'apocalypse, on ne pouvait pas ressurgir. Il n'y en a qu'un qui va ressurgir, c'est Coppola. On pourra en parler. La renaissance n'est pas évidente, elle n'est pas facile pour lui. On va en parler après. Oui, mais les deux acteurs principaux, alors d'autres acteurs continueront, Aurore Clément, Christian Marquand, c'est pas des stars comme ça. Mais ces deux acteurs stars vont littéralement se brûler à l'aune de ce film. Brando, c'est pas des gens vieux, hein, c'est des cadres quinquas. Enfin, leur carrière aurait pu continuer. Il se trouve que, pour des tas de raisons, mais moi je pense intrinsèquement lié au contenu du film, leur carrière s'arrêtera là, comme si. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? C'est un peu comme Ryan O'Neill qui a tourné Barry Lyndon avec Kubrick, c'est un peu ça. Oui, il va jusqu'au bout de... Oui, ou Marisa Berenson aussi dans le même film. Hein, voilà. Après derrière, quasiment. Terminé, on arrête. C'est comme si la vie s'arrêtait après ces films-là. Oui. La musique est aussi très importante, hein, avec ces musiques pop et rock, les Doors, les Zeppelin et compagnie. Ça se veut, ce film-là se voulait un marqueur aussi de son époque. Ah bah oui, parce que c'est des groupes, les Doors notamment, qui sont extrêmement importants. Alors, il y a la dimension du mélange aussi, c'est-à-dire c'est les Doors et Wagner. C'est l'héritage. Alors, c'est un héritage qui est très très important parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est l'héritage de Kubrick. Il y a deux films qui sont dans Apocalypse Now qui sont revendiqués comme des films fantômes. Tiens, je vais essayer de trouver. Il y aura pas 2001 ou l'Odyssée, il y aura pas Barry Lyndon parce que la bande son de Barry Lyndon est une merveille absolue. C'est vrai. Alors, il y a 2001 et il y a aussi Coppola le dit, Docteur Follamour. Ouais. Bien sûr, parce que Docteur Follamour sur la folie des États-Unis, sur la folie de la bombe, sur la folie, mais aussi dans Docteur Follamour, il y a un cow-boy qui chevauche une bombe. Hein, c'est l'image du film. Ben c'est repris par les Bunny Playmat qui tirent pendant Apocalypse Now. Ce sont les mêmes genres d'images. La figure de Kubrick, elle est tutélaire par rapport à Apocalypse Now. Alors c'est par vrai rapport à quasiment tout le cinéma. Par rapport à quasiment tout le cinéma. C'est quand même le maître. Quoi. C'est le maître, c'est-à-dire qu'il fait, il prend un film, il prend un genre et il assèche le marché. Exactement. Quasiment. Voilà. Bon, mais Coppola aura d'autres choses à dire et que Kubrick par rapport à ça. Donc ça reste, Apocalypse reste un film fleuve et un film majeur par rapport à ça. Alors, on va écouter la voix de Coppola ensemble, hein. On ne s'en lasse pas. Surtout pour ce qu'il dit, il parle de l'aspect technique du cinéma qui est évidemment important. Alors on est en 79 à Cannes, il parle de la révolution que le cinéma, selon lui, va connaître. In my opinion, selon moi, le cinéma est très puissant. Ce n'est pas une arme, mais c'est une force très puissante de nos jours. Surtout si l'on pense que le cinéma est en pleine évolution. Je vois 12 caméras ici, dans lesquelles défile de la pellicule. Mais il y en a une qui n'en a pas besoin. Il faut comprendre que le cinéma mondial, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 3 ans, sera électronique. Il sera électronique, numérique et transmis par satellite. Il créera les rêves et les hallucinations de demain. Ben voilà, il avait vu juste, hein. C'est moi qu'on puisse dire. Sur la technique, oui. Sur la technologie, oui. Est-ce que pour autant, ça change fondamentalement les choses? Rien ne vient le dire pour l'instant. C'est-à-dire que c'est toujours le problème des tuyaux et du contenu des tuyaux. Les tuyaux, c'est vrai, ont considérablement évolué. Vous ne pourriez plus dire que le film va de Paris à Dijon en nombre de kilomètres de pellicule. Ça, on ne peut plus le dire. On se demande d'ailleurs. Heureusement qu'Apocalypse Now n'a pas été tourné maintenant. Parce qu'on se demande le nombre d'heures, mais ce ne serait pas le nombre d'heures, ce serait le nombre de mois de rush qu'il faudrait gérer. Parce que c'est ça, l'invention du numérique, c'est ça le problème quand même pour les cinéastes. C'est qu'il n'y a plus personne derrière eux qui leur dit hey, « Hé Coco, attention, là tu es en train de dépasser considérablement le budget pellicule. Bah oui. Hein. Ah, on peut tourner des heures, des jours, des mois entiers. » Bon. Mais en même temps, moi je ne trouve pas que pour l'instant, la révolution numérique ait été autre chose qu'une révolution, c'est pas rien, industrielle et technologique. Est-ce que sur le fond des choses, est-ce que sur la manière de les montrer, il y a beaucoup d'évolutions? Moi, je ne les vois pas, en tous les cas. Ah, on peut parler de la 3D, mais avec beaucoup d'impasses de la 3D, on le voit bien. On continue à voir des films en 3D qui sont très, très décevants. Parce que au fond, est-ce que la 3D, c'est vraiment le meilleur moyen de faire du cinéma? On peut en douter. En tous les cas, certainement pas un cinéma intimiste, mais même le cinéma spectaculaire comme Apocalypse Now, on n'est pas certain que la 3D lui apporte beaucoup. Alors, est-ce que Coppola est le chef de file de ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood? Et dites-nous d'abord ce qu'est le Nouvel Hollywood. Ben, le Nouvel Hollywood, c'est venu à partir du moment où Denis Hopper a réalisé son premier film, et où... À ce moment-là, Hollywood était en panne d'idées. C'est-à-dire que les producteurs américains étaient en panne d'idées. Et vraiment, leur discours, c'était « Mais trouvez-moi des gens qui ont des idées et je les finance. » Sous-entendu, quelle que soit l'idée, l'argent est là. Hollywood qui s'était fait piquer les westerns par les Italiens. Par exemple. C'est-à-dire Hollywood qui est en pleine déconfiture. Bon, mais c'est l'histoire du cinéma, elle est faite de crise. Hein. Le cinéma était en crise en 1896. C'est-à-dire l'année qui a suivi sa naissance en 1895. La première crise date de là. Donc le cinéma est en crise permanente. Hollywood, à ce moment-là, est en crise permanente et s'interroge sur qu'est-ce qu'on veut raconter aux jeunes, qu'est-ce que avec les hippies, etc., bon, qui naissent, qui sont là, qui occupent le devant de la scène. Et donc, il y a des cinéastes, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un petit groupe de cinéastes qui va dire, mais nous, on a des choses à dire. George Lucas, qui va faire Star Wars, Coppola, qui va faire ses films, en ayant fait aussi le Parrain, hein, le Parrain 1, c'est quand même le premier blockbuster de toute l'histoire mondiale du cinéma. Donc, il faut pas les voir comme des sortes de francs-tireurs fous, hein, c'est des gens quand même qui sont dans le système, mais qui savent très très bien en profiter, et qui vont dire au système même, ah, vous voulez de nous? Eh bien, nous, on va créer notre propre société, on l'a rappelé tout à l'heure, et vous allez nous financer. C'est comme ça que ça va se passer. Ceci dit, ça ne va pas durer extrêmement longtemps. C'est-à-dire que le Nouvel Hollywood, en quelques années, il sera mangé par la machine hollywoodienne. C'est une vieille histoire, c'est une histoire qui est afférente au cinéma, peut-être même au secteur industriel culturel, qu'il y ait comme ça une montée de pousses, de jeunes pousses, qui ruent un peu dans les brancards. On a connu ça avec la Nouvelle Vague en France ouais, mais bien entendu. Et puis très rapidement, ou assez rapidement, le système... à la fois ingère la nouveauté sans la mépriser, mais l'ingère et fait en sorte que ensuite, eh bien ces mêmes jeunes pousses soient beaucoup moins créatrices et beaucoup moins novatrices qu'elles n'ont pu l'être à un certain moment. On remarque quand même que les films de Coppola, Apocalypse Now, Le Parrain, donc ces grosses productions, sont suivis finalement de films plus intimes, Outsiders, Rusty James, plus récemment Tetro ou Twixt. Pourquoi comme ça ce passage de simplicité? Parce que, comme vous le disiez en introduction, fort justement, je pense que de cette bande-là, Coppola est certainement celui qu'on peut créditer encore et toujours du statut d'auteur. Même si, par exemple, il n'est pas l'auteur du scénario d'Apocalypse, c'est John Milius, vous le disiez, mais en même temps, il y a chez lui une vraie volonté de faire les films qu'il a envie de faire. Alors ça donne des films dont vous avez donné le titre, ça donne aussi Dracula, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir des envies extrêmement diverses et dans des registres tout à fait différents, et de continuer de suivre ce sillon qui lui rapporte pas forcément des spectateurs, hein, ça c'est clair, pas forcément des dollars, mais au moins lui peut dire... En accord avec lui-même. Je suis en accord avec lui-même, mais Dieu est toujours en accord avec lui-même. Bon, puis il y a une dernière qualité, Coppola, c'est qu'il a une fille qui s'appelle Sofia Coppola, qui fait un film formidable, et simplement, je pensé quand vous parliez tout à l'heure de la musique et des images. Moi, l'image qui me revenait, c'est celle de Marie-Antoinette et du menuet qu'on filme en plongée sur de la musique rock. C'est bien la fille de son père. C'est bien la fille de son père. C'est bien la fille de son père, effectivement. Absolument. Merci infiniment. Merci Fabrice. Laurent Delmas, pour cette discussion autour d'Apocalypse Now. Et vous revenez quand vous voulez. Ah, c'est enfin, quand on vous invite déjà, c'est la première oui, chose. Oui, il vaut mieux. Mais dites oui. Hein, bonne fin d'année à vous avoir. Au revoir, Laurent Delmas. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire du film Apocalypse Now, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire Big Malion. Affaire en cours, je le précise.